Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En l'an 358, Julien, alors César en Gaule et futur empereur romain, regarde couler les eaux, il écrit « J'étais alors en quartier d'hiver auprès de ma chère Lutèce. Les Celtes appellent ainsi la petite ville des Parisis. C'est un îlot jeté sur le fleuve qui l'enveloppe de toutes parts. Des ponts de bois y conduisent de côté. Le fleuve diminue ou grossit rarement. Il est presque toujours au même niveau, été comme hiver. L'eau qu'il fournit est très agréable et très limpide à voir et à qui veut boire. » Julien, dit Julien Laposta, ce formidable barbu, a-t-il jeté quelques objets dans le fleuve, un vieux bidule dont il ne se sert plus, ou alors une petite chose qui lui tient à cœur pour être sûr de revenir. Au fond de la Seine, il y a des trésors, archéologie d'un fleuve. De même que l'air, l'eau est grande destructrice. La brigade fluviale, j'écoute. Inlassablement, elle plonge pour explorer le lit de la Seine. Coffre-fort, vieille télé, scooter, meubles. Après leur séjour prolongé dans l'eau, au moins pendant 1700 ans, c'est une pêche peu ragoûtante. Au fond de la Seine, il y a de Sylvie Robin, bonjour. Bonjour. Y a-t-il de l'or au fond de la Seine ? De l'or, peut-être pas, mais beaucoup de métaux en tout cas, oui. Beaucoup de métal, vous êtes conservatrice en chef des collections archéologiques du musée Carnavalet et de la crypte archéologique de l'île de la Cité, commissaire de l'exposition dans la Seine, objet trouvé de la préhistoire à nos jours. Juste, vous pouvez nous rappeler ce qu'est la crypte archéologique de l'île de la Cité rattachée au musée Carnavalet à Paris ? Oui, il faut un peu préciser ce qu'est ce site. Alors c'est un musée archéologique qui existe sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame et qui est le résultat d'une fouille qui a eu lieu dans les années 60-70. Les vestiges ont été conservés, ont été mis en boîte et c'est à peu près le seul site visitable aujourd'hui dans Paris. On peut y voir des vestiges de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Avec cette ville sensationnelle, Paris, mais ce fleuve qui l'est tout autant. Bonjour Nathan Schlanger. Bonjour. Vous êtes professeur d'archéologie à l'École nationale des Chartes, historien de l'archéologie. On peut le dire, hein, là on évoquait ces fouilles devant le parvis de Notre-Dame, mais l'histoire des fouilles à Paris, c'est une très longue histoire où, pour le dire autrement, l'histoire des découvertes à Paris. C'est-à-dire que c'est tellement urbanisé que les gens ont toujours trouvé des choses. Mais la notion de fouille scientifique, ça, faut attendre. C'est quelque chose qui est plus du XXe siècle. Tout à fait. Alors, XXe, mais aussi XIXe. C'est-à-dire que c'est vers la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les travaux haussmanniens, que l'on commence à dégager des vestiges d'une antiquité beaucoup plus ancienne que l'antiquité romaine classique qui était déjà connue, qui fait partie du monde symbolique des Parisiens. On commence à découvrir des vestiges d'une très très haute antiquité. Et alors, tout un mystère s'ouvre devant nous, c'est essayer de les comprendre aujourd'hui pour évoquer ce que nous pouvons trouver au fond de la Seine. Jean-François Goret, bonjour. Bonjour. Archéologue responsable de la gestion des collections au sein du pôle archéologique du département d'histoire de l'architecture et de l'archéologie de Paris. Nous parlons de vestiges trouvés au fond de la Seine. Ça ne correspond pas à l'idée des fouilles que nous pouvons avoir avec des strates extrêmement précises. Ce qu'on a au fond de la Seine, c'est peut-être plus difficile à dater quand même. Alors ça dépend comment vous les fouillez. Vous avez des strates au fond des rivières. Quand vous faites des fouilles et que vous êtes équipé et que vous dégagez des vestiges et que vous analysez les strates dans lesquelles ils sont, vous êtes dans des contextes qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir sur Terre. Maintenant, l'essentiel des découvertes qu'on a en termes de mobilier de la Seine sont des objets ramassés par dragage ou par des découvertes fortuites. Et donc, ce sont des objets qui sont isolés de contexte archéologique, donc qui ne nous parlent pas de la même manière des personnes qui les ont utilisés ou des personnes qui les ont fabriqués. Avec cette idée déjà de savoir de quoi nous parlons, là, ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à l'idée de fouille. Une fouille sur Terre, nous fouillons un endroit où des êtres humains se sont installés. Au fond de la Seine, ça peut être aussi un objet jeté qui au moment où il tombe à l'eau, est déjà sorti de son contexte. Oui, alors en fait, dans l'exposition, nous avons présenté des objets qui proviennent de deux sources très différentes. Donc la première source, ce sont des fouilles archéologiques, scientifiques, anciennes, plus ou moins anciennes ou récentes, qui là nous fournissent des objets qui sont extrêmement précis dans leur contexte, dans leur datation, et qu'on peut exploiter pour en savoir le plus possible sur les gens qui ont utilisé ces objets, à quel moment ils ont vécu et dans quelles conditions. Et puis, l'autre source qui nous donne des objets, ce sont les dragages, les recherches, les découvertes aléatoires. Et là, ce sont des objets qui n'ont pas d'histoire, mais qui ont une autre, qui sont porteurs d'autres informations, dont statistiques, par exemple, d'où ils proviennent, comment on peut les comptabiliser. Et donc, ces deux sources sont complémentaires, mais apportent des éléments différents. Sylvie Romain, c'est quoi la Seine? En tout cas, le regard que vous portez sur ce fleuve, est-ce la Seine à Paris? Est-ce l'ensemble du fleuve? Et puis, doit-on regarder un petit peu ce qu'il y a sur les rives? Alors, ce regard sur la Seine, c'est plonger dans l'eau, effectivement, pour recueillir ce qu'on peut encore trouver, encore de nos jours d'ailleurs. Mais c'est aussi s'intéresser à ces berges et comment ces berges ont été exploitées par les populations, par tous ces Parisiens, mais au-delà de Paris, ceux qui ont habité en amont et en aval, et comment ils ont occupé ces berges et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces et comme témoignages de leur existence. Ce sont des traces spécifiques, dites-nous Nathan Schlanger, ces traces liées à l'archéologie fluviale. Il y a une spécificité dans ce métier d'archéologue au moment d'étudier un fleuve et puis on peut le dire aussi les rives. Oui, je pense, alors, je pense sous contrôle de Sylvie, mais la notion de la Seine est un peu une excuse, puisqu'il s'agit de comprendre une archéologie qui se développe sur un territoire, dans un paysage. La rivière même, si on prend une perspective préhistorique plus longue, a bougé de son cours de plusieurs centaines de mètres, donc ce n'est pas spécifiquement le cours que l'on connaît aujourd'hui qui est déterminant, d'autant plus que l'idée sera de montrer comment ce cours lui-même subit un aménagement dans le cadre d'un urbanisme. Depuis le néolithique, on s'occupe des berges et on les modifie, on les transforme. Donc en vérité, me semble-t-il, hein, que l'objectif, c'est plutôt de ne pas se focaliser sur un certain cours d'eau tel qu'il existe aujourd'hui, mais de permettre à ce cours d'eau de raconter une histoire plus large et plus étoffée sur le passé de Paris. Eh, parce que le fleuve lui-même a une histoire, il a changé de cours, il y avait des bras qui ont disparu, qui sont devenus morts, il y avait pas ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, ces quais qui sont maçonnés et qui empêchent le fleuve de déborder, mais qui empêchent aussi aux gens de pouvoir peut-être explorer ce qu'il y a dessous, parce que par définition, quand on s'approche du fleuve pour faire une activité, on est juste au bord. C'est ça aussi la Seine, c'est la Seine telle qu'elle était auparavant. Comprendre la ville et comprendre l'évolution de cette ville, c'est comprendre un des éléments majeurs qui la compose, c'est cette rivière, avec ses fluctuations, cette constante recherche d'aménager, de contrôler ce cours d'eau pour le rendre navigable, pour qu'il apporte ce qu'il doit apporter à la population dans toutes ses fonctions. Donc on ne peut comprendre une ville si on ne comprend pas le cours d'eau et son évolution. Et à Paris, bien sûr, en plus, avec la confrérie des bateliers, c'est quelque chose de très important, notamment pour le Moyen-Âge, et toutes les fonctions que recouvrait cette rivière à la période médiévale. Sylvie Robin. Oui, à propos de la confrérie des bateliers, c'est intéressant d'en parler maintenant, parce que y a les Nautes, qui sont la première corporation des bateliers de la Seine, dans Paris, et c'est intéressant d'avoir ce continuum entre l'Antiquité et le Moyen-Âge sur la gestion, la mainmise d'une corporation et d'une municipalité, en fait, sur la gestion du commerce de la ville à travers ces corporations. Oui, parce que j'ai commencé l'émission en évoquant Julien, on était au 4e siècle, et dans son texte, cet empereur, enfin celui qui devient empereur, note bien l'importance du fleuve, avec les notes qui nous conduisent à l'Antiquité, et qui nous conduisent à une symbolique même très forte pour Paris. C'est quoi d'ailleurs cette confrérie, et puis surtout la trace qu'elle a laissée, qui a tant marqué l'histoire de la ville? C'est une, comme on l'a dit, c'est une confrérie très importante qui a eu à un moment donné, par l'autorité royale, un monopole sur l'ensemble des activités sur le fleuve, donc qui a eu un rôle très important dans l'administration et dans l'économie parisienne. Donc elle a pris en effet une place une primauté parmi l'ensemble des confréries qui animaient les activités économiques qui se régissaient sur Paris. Donc en effet, c'est quelque chose de très important, qui est encore un marqueur, en effet, dans le symbole et dans l'identité de la ville de Paris. Voilà. Le symbole de Paris, Jean-François Goret, c'est ça aussi. C'est venu du pilier des nôtres conservé aujourd'hui au musée de Cluny à Paris. Et ce pilier, ben, c'est à l'origine un petit peu des armes de Paris, ces armoiries-là où l'on voit un bateau. Il faut le rappeler, hein, Fluctuant ac Mergitur, Paris. C'est aussi un grand symbole du résultat de la romanisation, puisque sur ce pilier, on a, aussi importante que la représentation des nôtres, il y a des divinités romaines et gauloises, et c'est un petit peu le début de la ville. Avec ici, parce qu'il faut un petit peu regarder ce qu'on trouve au fond de ce fleuve, énormément de choses qui nous conduisent alors sur un temps très très long, hein, vous l'avez évoqué Nathan Schlanger, il y a de la préhistoire bien sûr, il y en a tant, et notamment des statues gauloises. Cet ensemble extraordinaire de statues en bois constitue un trésor archéologique de la plus grande valeur, unique en son genre. Après leur séjour prolongé dans l'eau, au moins pendant 1700 ans, ces statues de chêne posaient un délicat problème de conservation. Un traitement spécial leur fut appliqué pour éviter que le bois ne s'effrite en séchant. Elles ont été plongées pendant plusieurs mois dans un bain de matière plastique soluble. La découverte de cette prodigieuse collection remonte au mois de septembre 1963. Une nouvelle campagne de fouilles avait été entreprise aux sources de la Seine sous la direction de M. Roland Martin, doyen de la faculté des lettres de Dijon et directeur de la circonscription des antiquités historiques de Bourgogne. Dans les actualités Centre-Est en 1966, des statues gauloises. Alors là aussi, c'est bien compliqué hein, parce que on l'a dit, toutes ces réflexions sur la datation, réflexions aussi sur ce que représente la Seine. Sylvie Robin, beaucoup de traces venues de ce monde gallo-romain, enfin gaulois déjà dans un premier temps et gallo-romain ensuite au fond de la Seine. Alors le site des sources de la Seine, c'est très particulier parce que c'est un site remarquable, très important, puisque très tôt, la déesse Sequana a un rôle protecteur, a un rôle de guérisseuse. Donc dès le règne de l'empereur Auguste, donc le début de l'ère gallo-romaine, le sanctuaire prend de l'importance, reçoit de nombreux pèlerins. Et au milieu du XIXe siècle, les premières fouilles mettent à jour un ensemble remarquable de statues en bois qui sont interprétées comme des statues gauloises. Mais aujourd'hui, les dernières études montrent que le fait d'honorer des divinités de l'eau est un geste purement romain. Et qu'on ne sait pas du tout comment était honorée l'eau à l'époque gauloise, mais le sanctuaire n'existe pas avant la romanisation. D'accord. Donc c'est pas spécifiquement gaulois, c'est lié au gallo-romain. Nathan Schlanger, c'est ça aussi l'archéologie et dans cette exposition, les objets trouvés de la préhistoire à nos jours dans la Seine, c'est une réflexion sur ce qu'est l'archéologie parce que on l'a évoqué, hein, des pièces viennent de musées, ont été sorties de leur contexte, faut les interpréter. En fait, c'est une interprétation sans cesse de pièces qui ont été trouvées il y a longtemps, qui ont déjà été interprétées, mais qu'il faut revisiter. L'archéologie, c'est très vivant. L'archéologie, c'est une discipline vivante qui est en permanence en réflexion, en autocritique sur ses propres démarches, sur ses découvertes. Au XIXe siècle, à Paris, une particularité, c'est que alors que le Paris antique romain est déjà connu, est intégré dans l'architecture, le Paris préhistorique est tout à fait nouveau. Il est nouveau et il va occuper une place aussi dans l'imaginaire urbain des Parisiens qui se disent « Ah, sous nos pieds, en vérité, il y a tout un paysage. Il y a Cuvier et Brognard parlaient des crocodiles des Montmartre, donc on trouve des fossiles un peu partout et on ajoute une profondeur énorme au passé parisien. Donc d'une part, l'ingénieur, pardon, Haussmann et son ingénieur Eugène Belgrand s'intéressent à la romanité, donc ils font les égouts à la romaine, les aqueducts. Et en dessous, ce même Belgrand va aller chercher des vestiges préhistoriques de ce qu'on appelle aujourd'hui le paléolithique moyen inférieur, pour essayer de comprendre justement la rivière. Alors la rivière, on y dépose beaucoup de choses, mais on y dépose aussi des déchets, des ordures, des égouts. Et la question de Eugène Belgrand, c'est à quel point la rivière peut-elle servir de conduit de ces égouts. Hein, c'est un moment critique des années 60, des débats sur l'hygiénisme, 1860, sur les microbes. Pasteur, est-ce que la rivière peut évacuer les égouts ? Alors, pour aborder cette problématique scientifique, c'est le premier Eugène Bellegrand qui va produire une monographie, la première monographie au monde avec le titre « Les antiquités antéhistoriques de la Seine hein, ». Parce qu'il va étudier les stratigraphies, les coupes de la Seine, pour voir si la rivière peut charrier, quel type de vestiges peut-elle charrier, et donc peut-elle servir aujourd'hui à nos problématiques contemporaines de l'hygiène urbaine. Oui, parce que c'est ça, hein, quand on jette quelque chose dans le fleuve, est-ce qu'il va tout en bas et il y reste ou est-ce qu'il se déplace et il part au loin ? Jean-François Goret, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir quand on trouve quelque chose dans la Seine. C'est d'où ça vient ? Est-ce que ça a été jeté à cet endroit précis ? Est-ce que ça a été déplacé ? Ça, on ne peut jamais vraiment le déterminer. Alors, on peut considérer, notamment si on a une documentation sur les travaux de dragage ou les travaux qui ont pu être faits sur des quais, qu'il y a quand même eu des mouvements au niveau des alluvions qui se déposent au fond des rivières, qui fait que les alluvions ont bougé, ont été charriées, et ce qu'il y avait dans ces alluvions, les objets, ont été déplacés avec. Donc à partir de là, en effet, on ne peut jamais considérer que l'endroit où on va trouver un objet au fond d'une rivière est l'endroit où il a été perdu. Ou alors, parfois, on peut le lier à un événement, et dans ce cas-là, en effet, on peut peut-être considérer que l'objet est à peu près à sa place d'origine. Mais finalement, c'est une réflexion qu'on maîtrise pas, parce qu'on n'a pas une vision claire de ce qui s'est passé au fond de cette rivière opaque, où on voit pas forcément grand-chose sur... quand on est à la regarder du haut du quai. Donc c'est quelque chose de très, très, très, très, très délicat. Sylvie Robin. Oui, en fait, ce qui est très étonnant, et ça Jean-François parlera mieux que moi, c'est le nombre d'armes qui ont été trouvées dans la Seine, depuis l'âge du bronze jusqu'à la dernière guerre du XXe siècle. Et pour chaque dépôt, pour chaque jet, on peut s'interroger, est-ce que c'est votif ? La question du votif revient souvent. Ou est-ce que c'est pour les cacher, les dissimuler ? Donc ça, c'est une vraie interrogation que tu as eue sur les armes. Oui, parce qu'il y a énormément d'armes au fond de la Seine. Oui, alors c'est une des caractéristiques. Alors c'est au fond de la Seine, mais c'est au fond de tous les grands cours d'eau en France. Hein. C'est vraiment un phénomène commun et qui traverse le temps. C'est-à-dire qu'on va trouver des armes de toute époque. Autant pour les périodes anciennes, notamment à l'âge du bronze, il y a des véritables dépôts qui ont été trouvés d'armes, avec des types d'armes récurrentes, des épées, des fers de lance, des choses de ce type. Où là, en effet, on peut considérer sereinement qu'il s'agit de dépôts votifs, c'est-à-dire d'armes, d'offrandes qui ont été jetées dans les rivières pour s'attirer la bienveillance d'un certain nombre de déesses qui sont liées au cours d'eau. Pour les périodes plus récentes, à partir de l'Antiquité et au Moyen-Âge surtout, on est plus dans des rejets qui relèvent de situations accidentelles ou de rejets volontaires, la rivière étant en effet un moyen de se débarrasser. En toute l'Antiquité, le Moyen-Âge, les hommes ont cherché à trouver des solutions pour se débarrasser des choses dont ils souhaitaient se débarrasser. Les armes en font partie, même s'il y a une économie de recyclage du métal. Donc là, on peut considérer qu'on est plutôt sur des événements qui ne sont pas liés à un rite ou quelque chose d'autre. Alors il y a quand même du votif au Moyen-Âge, c'est tous les plombs, de ce qu'on appelle les plombs forgés, qui sont des petits insignes, des petits jetons qu'on trouve en grande quantité dans la Seine. Et là, il y en a une partie qui sont jetés intentionnellement, ainsi que les petites statuettes de chevaliers qu'on connaît bien par des collectionneurs qui les ont amassées. Et là, il y a aussi, c'est un peu une continuation de ce jet votif qu'on trouve dès l'Antiquité. C'est jeté là autour de... C'est plus le fleuve qui est sacré, mais c'est plutôt autour de Notre-Dame et autour de la Vierge, on va jeter pour obtenir, pour demander une prière ou pour remercier pour son exécution. Oui, voilà, on entend bien hein, plusieurs manières de jeter ces objets à l'eau, soit volontairement, c'est quelque chose de votif, soit un accident ou parce qu'on veut se débarrasser de quelque chose, ou tout simplement parce que la Seine, et oui, vous l'avez rappelé, hein, Nathan Schlanger, jusqu'à la fin du 19e siècle, la Seine est l'égout de Paris, hein, jusqu'aux travaux de Bellegrand, et dès lors, il s'agit de temps en temps de nettoyer tout ça. De même que l'air, l'eau est grande destructrice. Et l'on a dû s'attaquer à la Seine, à la vieille Seine des amoureux et des poètes. Pour vérifier et réparer les piles des ponts, les quais des berges, on a ouvert les barrages qui commandent le cours majestueux du fleuve. Du jour au lendemain, Paris n'a plus reconnu la Seine. Les eaux détournées avaient fait du fleuve une rivière sur laquelle les trains de péniche sagement s'étaient immobilisés. Le plus étonné, ce dut être le zouave du pont de l'Alma, qui n'a l'habitude que de mesurer les crues. Et la Seine a livré ses secrets. Secrets boueux, secrets misérables, secrets sinistres. Objets sans nom aujourd'hui, retrouvés dans la vase du fleuve, ferrailles rouillées par l'eau, qui nous semblaient hier ne couvrir que les reflets des feuillages, l'ombre des nuées et la fuite d'un rêve. Paris se refait une beauté. Demain, nous le retrouverons plus séduisant. Demain, nous retrouverons la Seine, tranquille entre ses quais réparés. Elle aura recommencé à rouler tant de songes sous ses ponts qu'a chanté Apollinaire, qui restent comme inséparables de telle image inoubliable. Que c'est lyrique, les actualités françaises. Nous étions en 1946 pour le nettoyage de la Seine. Nathan Schlanger, dans ce que nous venons d'entendre, il y a cette phrase « L'eau est grande destructrice ». Alors, est-ce vrai ? Pour l'archéologue. Oui, tout à fait. Le régime hydrologique est par nature quelque chose qui drague, qui pousse. Et donc le mouvement suscité par les cours d'eau, que ce soit à quelques échelles que ce soit, donc à l'échelle de la rivière, mais aussi d'une flaque d'eau, d'un glissement de terrain, c'est quelque chose dont l'archéologue doit prendre compte, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, lorsqu'il fait ses recherches, il doit essayer de voir le rapport entre les vestiges tels qu'il les trouve actuellement dans son chantier archéologique et leur emplacement initial, s'ils représentaient une aire d'activité, une aire d'habitation, et ainsi de suite. Mais l'eau peut-elle être conservatrice ? L'eau, tout à fait, peut être conservatrice. Donc l'absence d'oxygène permet à tous les matériaux organiques, a priori, hein, d'y être conservés. Et donc elle joue un rôle important dans ce registre. Pour les métaux, c'est un peu plus compliqué, et certainement pour les outils en silex, ils sont ravis de rester dans un milieu aquatique jusqu'à ce que viennent les archéologues les repêcher. Avec Sylvie Robin ici, toutes les problématiques et la complexité de conserver ces objets. Alors, ces objets, et pas seulement, je parle notamment des matériaux, le bois, c'est ça qui est magique hein, avec la Seine, c'est qu'elle peut conserver du bois. Parce que, une fois sorti, c'est un autre défi. Alors, nous avons présenté, plusieurs éléments de bois qui ont été trouvés par le service archéologique de Jean-François, d'ailleurs, à la fin du XXe siècle. Et on a eu la chance de pouvoir faire des études sur ces bois et de pouvoir les faire conserver et de pouvoir les dater par dendrochronologie, qui est une technique de datation du bois par l'étude des cernes, le calcul des cernes et leur fréquence et leur taille. Et on a pu dater ainsi plusieurs événements dans Paris, dont le premier est très important, c'est la construction du Cardo, c'est-à-dire la voie principale qui traverse la ville, qui traverse donc l'île de la Cité. Là, on a une datation qui est entre 3 et 4. Et la deuxième datation, ça revient à la période que vous évoquiez au début, c'est la construction de la première fortification de l'île dans laquelle s'est installé l'empereur Julien quand il venait faire ses campagnes à Lutèce. Et là, on est dans une période entre 305-308. Oui, voilà, c'est ça. Hein. L'archéologie dans la Seine nous permet de mieux comprendre la ville. Parce que, Jean-François Goré, on l'a dit, on ne peut pas séparer la ville de son fleuve. C'est impossible. Et comprendre la Seine, c'est comprendre Paris. Ah ben oui, oui, tout à fait. Parce que une rivière, c'est un point de franchissement. C'est une relation qui peut s'établir entre des quartiers qui vont se développer sur ces deux rives et sur une île entre deux bras de cette rivière. Donc, on est sur un axe comme pour l'Antiquité, par exemple, les axes terrestres, le Cardo, le Decumanus sont des axes importants pour la compréhension de la ville. On ne peut vraiment pas dissocier la rivière à travers ce qu'elle apporte en termes de matériaux et ce qu'elle représente comme voie commerciale, et en termes aussi où sa forme, son évolution et son rythme influent profondément la topographie globale. Et en plus, aujourd'hui, on perçoit bien la Seine dans son cours actuel. Mais la Seine aussi, vous aviez un certain nombre de méandres, de cours secondaires qui, à des moments de crue, pouvaient se retrouver en eau et qui définissaient des petits monts, des petits espaces où vous aviez des alluvions qui s'étaient accumulées et qui favorisaient des zones exogènes qui permettaient de s'installer et de construire de l'habitat. Donc toute la rivière, ces fluctuations déterminent la façon dont les gens vont vivre autour de ce cours d'eau. Ce n'est pas pour rien qu'à Paris, le quartier du Marais s'appelle le Marais. Avec ici toute cette réflexion sur le fleuve, reflet de l'histoire de la ville, on peut le dire, c'est la grande variété des objets. En fait, c'est le reflet de la vie en société. On parle d'ex-voto, d'objets très particuliers, d'armes, mais il n'y a pas que ça. Nathan Schlanger, vous nous l'avez dit, c'est aussi une poubelle de la ville. Donc on va retrouver tous les éléments du quotidien qui sont arrivés là, plus ou moins par hasard. Et c'est pour ça que le terme de trésor, qui est souvent utilisé, doit être utilisé entre guillemets. Parce que les archéologues sont un peu allergiques au terme de trésor, puisque on n'est pas des chercheurs de trésor, c'est pas ce qui nous intéresse nécessairement. C'est plutôt aussi la vie quotidienne, l'ordinaire, la longue durée des classes populaires autour de la rivière, par exemple, plutôt qu'un objet extraordinaire. Donc, extraordinaire, qui ne définit pas, qui nous aide pas, nous, archéologues, à mieux cerner les sociétés anciennes, les modes de vie des populations et leur rapport avec l'environnement. Voilà. Oui, parce qu'un lingot d'or trouvé au fond de la Seine nous en apprendra moins, peut-être, que d'avoir les poubelles d'une maison entière du XVIe siècle. Une variété d'objets absolument incroyable. On trouve un peu de tout. On va trouver une bague, une clé, un ex-voto, une arme. Et sachez que parfois, et là c'est beaucoup plus étonnant, c'est une main. Et maintenant, je vais vous parler d'un drame qui se passa à la fois au sein de ma famille et au cœur de Paris, région contiguë et très sensible, comme vous le savez. C'est une histoire que je n'ai jamais pu raconter parce que je pleure, alors je la chante et c'est tout de suite beaucoup plus gai. Ah, mon Dieu ! Voici le zouave du pont de l'Alma. C'est bien à contre-cœur que mon père accorda un jour la main de ma sœur à un ancien forçat. Quand de se dévoyer ma sœur devint la femme, j'ai tout de suite deviné qu'il y aurait un drame. Et ça n'a pas traîné, avec son grand couteau, il nous l'a découpé puis l'a jeté à l'eau. Quand on l'a retrouvé, il manquait presque rien. Une fois reconstitué, il y avait tout, sauf une main. La main de ma sœur a disparu, j'ai de la peine. Depuis la dernière recrue de la Seine, la dernière fois qu'on l'avait vue dans la semaine, c'était là-bas, près du pont de l'Alma. Et depuis ce jour-là, on ne sait pas, on ne sait pas où est la main de ma sœur. Et toute la famille pleure. Mais où est la main de ma sœur? C'est ce que se demande Jacqueline Maillan. Sous le pont de l'Alma, sans doute. Jacqueline Maillan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Aujourd'hui, nous fouillons ce qu'il y a au fond de la Seine. Sylvie Robin, c'est une histoire qui doit s'écrire avec beaucoup d'hypothèses. On l'a bien dit, c'est compliqué de savoir exactement ce que c'est. C'est là où le croisement de toutes les sources, de toutes les informations, permet d'y voir plus clair, mais toujours avec un peu d'hypothèses. Pourquoi cet objet est là, à ce moment-là? Par définition, les archéologues émettent toujours des hypothèses parce qu'on est toujours à la merci de nouvelles découvertes qui vont un petit peu changer nos connaissances historiques. Et comme le disait Nathan tout à l'heure, c'est lot d'objets du quotidien. Par exemple, j'ai choisi d'exposer des lots de cuillères, de clés, de dés à coudre. Ça nous révèle aussi, là non pas des hypothèses scientifiques pointues, mais le mode de vie des Parisiens du 19e siècle. Et c'est important aussi d'avoir cette petite histoire Nathan Chambier. Oui, pour ce qui est de l'archéologie préhistorique, il y a une hypothèse fondamentale qui se formule ces mêmes années 1860-1870, c'est la haute antiquité de l'homme. C'est enfin le moment où on accepte les théories de Boucher de Perthes qui sont émises dans le nord de la France, dans la Somme, sur la coexistence des outils humains avec des animaux fossiles. Et donc l'antiquité antédiluvienne, d'avant le déluge, et c'est un moment assez révolutionnaire puisque ça va transformer le récit biblique en récit secondaire, et ça va permettre une étude de l'histoire naturelle de l'homme. Oui, parce que c'est cette histoire-là qui nous intéresse, trouver un objet à côté d'un os de mammouth, qu'est-ce que c'est ? Ah, excusez-moi, un coup de fil. La brigade fluviale, j'écoute. Je désirais faire effectuer des recherches par plongée en Seine, face à Cadelagare. Oui. Face le 136, quai de la gare. Face le 136, quai de la gare, une plongée. Oui. Alors il s'agirait de retrouver un pistolet mitrailleur allemand de marque Schmesser. Oui. Alors ça a servi lors d'un hold-up, hein. Oui. Il est 9h30, ils ont rendez-vous dans une heure sur les lieux. Oui. Alors vous viendrez avec un ou deux plongeurs. Deux plongeurs. Il est 9h30, rendez-vous dans une heure sur les lieux, c'est la brigade fluviale en 1975 dans l'émission Le Monde Insolite. Nathan Schlanger, vous nous évoquiez ici tous ces travaux des premiers préhistoriens qui émettent d'un seul coup une chronologie beaucoup plus vaste de notre histoire. Ici, ce sont des fouilles réfléchies. En fait, il y a vraiment plusieurs démarches à avoir quand nous pensons l'archéologie fluviale. Hein. Il y a la fouille réfléchie, pensée avec un endroit précis, et puis après, il y a l'interprétation d'un objet qu'on amène, et là, il faut essayer de le comprendre. Oui, alors il faut quand même qualifier, au XIXe siècle, il n'y a pas de fouille précise, délibérée, dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Ce sont plutôt des amateurs, ou bien des ingénieurs, qui suivent les travaux. Hein, les amateurs qui, notamment les sablières de Levallois, de Clichy-la-Garenne, qui est montré dans l'exposition, les amateurs qui vont se déplacer, collecter différents types d'éléments et commencer justement à construire des stratigraphies, à voir que la profondeur, plus l'objet est profond, plus il est a priori ancien, et donc essayer de comprendre une histoire géologique qui est aussi une histoire de l'évolution de l'humanité. Donc c'est plutôt ce type-là de prise de connaissance. Et la fouille archéologique, disons délibérée, programmée, elle va se développer graduellement en rapport avec l'aménagement du territoire, en rapport avec les constructions, donc destruction de bâtiments anciens, vestus, et construction du nouveau. Et dans ce cadre-là, on va investir du temps, des moyens, des ressources pour prendre connaissance de ce passé avant qu'il ne soit détruit. Jean-François Guéret. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Nathan, parce qu'il y a un homme dont le nom n'a pas encore été évoqué depuis une demi-heure autour de cette table, c'est Théodore Vaquier. Théodore Vaquier, c'est l'archéologue qui a été mandaté par l'administration parisienne pour faire le suivi archéologique de tous les travaux haussmanniens. Donc il a travaillé pendant près d'une cinquantaine d'années et a arpenté tous les secteurs de Paris et s'est beaucoup interrogé aussi sur ces questions d'évolution de la Seine, dans sa morphogenèse. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour nous, déjà parce qu'il a compris énormément de choses, il a intégré énormément de choses à sa réflexion. Et une fois de plus, la Seine, comment on pouvait se représenter son cours durant l'Antiquité et durant toute la période médiévale, est une problématique qu'il avait à l'esprit. En ça, il était extrêmement novateur, comme il était novateur dans sa façon d'appréhender les vestiges archéologiques, parce qu'il avait le souci déjà de comprendre ce que c'était une stratigraphie, la superposition des vestiges, d'aller voir les couches les plus anciennes pour essayer de les observer, de les renseigner. C'est vraiment quelqu'un qui est important et donc on travaille aujourd'hui avec l'héritage de ce grand archéologue et ça nous facilite beaucoup les choses. Et plus on s'implique dans l'archéologie parisienne, comme c'est mon cas ces dernières années, plus on finit par nourrir une admiration, et je la partage avec l'ensemble de mes collègues du pôle archéologique, pour les travaux de cet individu, parce que plus on les redécouvre, plus on s'aperçoit de la rigueur et surtout de l'exactitude de la majorité des réflexions et des hypothèses qu'il a formulées à cette époque. Ah oui, il faut vraiment rappeler combien ce travail de nos prédécesseurs est important. Et ici, on a un homme qui couvre le 19e siècle. Il meurt à la toute fin du 19e siècle. Tout à fait. Dites-nous, Sylvie Robin, on a entendu là, par le coup de fil que nous avons reçu, le rôle de la brigade fluviale. Alors, que fait la brigade fluviale dans cette histoire ? Alors, la brigade fluviale, c'était un petit peu évoquer le contraire de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est l'antifouille scientifique. Et la brigade fluviale, elle n'est pas du tout là pour collecter des objets, elle est là pour assurer la sécurité sur la Seine, sur ses berges et sur tous les plans d'eau d'Île-de-France. Et elle est amenée par des découvertes fortuites à retrouver des éléments de pont, des objets et les plongeurs par curiosité et par devoir, les remonte à la surface et nous avons choisi d'en exposer un certain nombre de ces découvertes. Et il y a notamment un mascaron, c'est-à-dire un élément décoratif du Pont Neuf qui a été sorti de l'eau en 2014 et qui était un petit peu à l'origine, avec quelques autres objets, de mon souhait d'exposer des objets de la Seine et des berges de la Seine. Et cet élément décoratif a été nettoyé. Bon, il est très abîmé par l'eau, mais on a réussi à l'exposer à côté d'un élément décoratif en bon état. Et on voit justement sur l'usure de cette matière toute l'eau qui s'est écoulée, les incrustations, les micro-organismes, les sédiments. Et c'est un petit peu toute l'histoire des dépôts de la Seine qu'on peut lire sur cette pierre. Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente un masque. Les mascarons, en fait, ce sont des masques grotesques qui sont mis pour décorer les ponts ou les entrées de maison parce qu'ils sont censés être des divinités protectrices. Ce sont des divinités qui datent de l'Antiquité. Et c'est un motif qui est très repris au XVIIe siècle et qui va naturellement protéger le premier pont en dur de Paris, le premier pont qui traverse toute la semaine. Il était décoré sur les deux faces de son tablier de près de 300 mascarons. Oui, c'est un beau masque, un beau barbu. Ici, nous avons une géographie que l'on peut peut-être écrire de la Seine, parce que vous l'avez évoqué, autour de Notre-Dame, il peut se passer des choses liées à un acte religieux. Au-dessus des ponts, bien sûr, on va se dire, c'est là où on va trouver le plus de choses. Est-ce que c'est une logique que l'on peut suivre ici, au moment de réfléchir à l'archéologie du fleuve ? Oui, je pense que l'espace qui entoure la rivière dans sa configuration du moment est un espace qui est qui se distingue en vue de différentes activités, des zones plutôt artisanales, commerciales, des zones d'occupation. Et là, je pense, pour revenir à ce que disait Jean-François, la force, me semble-t-il, de l'intérêt de Théodore Bacquer, c'est qu'il d'abord il est tout seul. Il est tout seul, donc il a peu de ressources, peu de moyens, mais en même temps, il a une vision d'ensemble. Alors qu'une multiplication d'acteurs fait que les choses sont un peu moins perceptibles. Et le deuxième point, c'est qu'il fait une cartographie, c'est-à-dire il est capable de placer sur la carte de la ville l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui une carte archéologique. Aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une banalité, mais lui, c'est un des précurseurs dans cette vision topographique générale qui permet de différencier les espaces et qui permet de comprendre, notamment dans le cas de la ville gallo-romaine, qui suit un plan relativement connu, on a parlé Cardo Decumanus, les théâtres, les arènes de Lutèce, il permet de situer l'emplacement de la ville avec ses différenciations. Sylvie Robin. C'est aussi un précurseur de fouilles sur les berges, puisque c'est grâce à lui que le musée Carnavalet a tout un lot de céramique intacte que Théodore Vaquet avait trouvé en surveillant la construction d'une pile de ponts, le pont de Sully. Et donc il surveillait les travaux dans la ville, mais aussi sur les berges. Et c'est assez novateur aussi à cette époque-là d'aller voir ce qui se passe au moment de construire des ponts. Bon, bah, c'est une émission hommage à Théodore Vaquer. Alors, Vaquer, hein, si quelqu'un veut chercher son nom. Non, mais c'est cette longue histoire, Jean-François Goret, qui peut nous intéresser aussi, parce que on voit bien que cette fin du 19e siècle, au moment des grands travaux, est un nouveau regard porté sur l'histoire même de Paris, avec tous ces noms qui se succèdent. C'est cette passion aussi, sans doute, pour comprendre là où l'on habite. Et comprendre là où l'on habite, ça fait qu'on vit globalement mieux. C'est aussi cette démarche-là, en fouillant la Seine. Oui, bah la Seine, comme l'ensemble des composantes de la ville de Paris, c'est l'histoire de l'archéologie qui accompagne tous ces éléments-là, est une longue histoire. de passionnés qui se sont succédés à travers le temps. On parle beaucoup de Théodore Vaquet, la commission du Vieux Paris qui a pris le relais de l'œuvre de Théodore Vaquet, qui s'inscrit dans la continuité de Théodore Vaquet, a réalisé aussi des fouilles très importantes pour comprendre les aménagements en bordure de Seine et comprendre le fleuve au sein de la ville. Et aujourd'hui, nous sommes encore ponctuellement amenés, alors non pas à travailler directement sur le fleuve, parce que avec les quais réalisés au 19e siècle, il n'y a plus vraiment en fait de à la fois de possibilité de s'approcher au plus près de la rivière et d'étudier éventuellement ses berges qui malheureusement pour les périodes anciennes ont été très très, très abîmées hein, par les travaux du 19e siècle, mais on est amené notamment aujourd'hui encore sur l'île de la Cité à procéder à des sondages dans le cadre de projets d'aménagement qui vont être réalisés dans les années à venir, où on arrive à descendre relativement profond, atteindre les niveaux alluvionnaires qui apparaissent à 4, 5, 6 mètres de profondeur et engager toutes les études notamment l'analyse de sédimentaires de ces, pour comprendre les formations, comment elles se sont déposées et essayer de comprendre finalement quel était le rythme de l'île à travers l'évolution du cours d'eau, la présence de chenaux qui sont formés, qui ont disparu, et essayer de comprendre finalement en quoi elle était relativement tôt aménagée, maîtrisée pour en faire un espace où les habitants pouvaient s'installer. Nathan Schlein. Oui, je pense, vous avez mentionné le fouiller là où on vit. Le vécu, je pense qu'il y a deux types d'intérêts qu'il faut distinguer, même s'ils peuvent être convergents. C'est l'intérêt savant, c'est-à-dire connaître le passé, le déroulement des vies, des sociétés sur place, et l'intérêt citoyen. Ce qu'on peut voir au 19e siècle, c'est essentiellement... Alors, Théodore Vaquet a beaucoup de choses à faire dans la vie, mais je ne sais pas à quel point il était dans la médiation et la popularisation de ses connaissances. Toujours est-il qu'au 19e siècle, on est intéressé à créer une profondeur de la ville, et cet intérêt, c'est en partie un intérêt politique, un intérêt idéologique, notamment Napoléon III, qui veut la Rome nouvelle et qui veut asseoir son présent sur un passé qui lui soit digne. Et donc, il aide par toutes sortes de ressources, notamment les publications de l'histoire de Paris, hein, les célèbres livres verts. Et donc, il y a cet intérêt savant. Et graduellement, au cours du XXe siècle, va s'ajouter un intérêt citoyen, c'est-à-dire l'objectif qui est celui à la fois, évidemment, des savants eux-mêmes, mais des acteurs publics, d'intéresser les résidents dans leur passé et de leur aider à faire comprendre que sous les pavés il y a le sable, et c'est le sable du Quaternaire, le sable des Néandertaliens. Et c'est d'autant plus important que les résidents en question sont pas toujours des autochtones. C'est très souvent Paris, autour de Paris, notamment je pense Saint-Denis et de toutes ces régions-là, les populations sont des populations qui arrivent, et l'archéologie est un moyen de leur faire comprendre, de leur faire connaître une certaine territorialité dans laquelle ils peuvent s'ancrer. Donc c'est à la fois une démarche savante qui porte des connaissances nouvelles, mais ça peut être une démarche citoyenne qui ancre les personnes et qui les aide à mieux vivre dans leur territoire. Oui, parce que la Seine, c'est tout simplement la vie. Au fond de la Seine, il y a de l'or, des bateaux rouillés, des bijoux, des armes. Au fond de la Seine, il y a des morts. Au fond de la Seine, il y a des larmes. Au fond de la Seine, il y a de l'or, des bateaux rouillés, des bijoux, des armes. Au fond de la Seine, il y a des morts. Au fond de la Seine, il y a des larmes. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La complainte de la Seine interprétée par Marianne Faithfull, musique de Kurt Weill, paroles de Maurice Magre. C'est une chanson de 1934. Sylvie Robin, cette chanson évoque ce vrai vécu de la Seine, et dans l'écho que l'on pourrait donner à un tel chant. On peut évoquer ces ravageurs. Qui sont-ils ? Alors, les ravageurs de la Seine, ce sont des chiffonniers qui sont spécialisés dans la collecte d'objets dans la Seine quand elle est à l'étiage, c'est-à-dire au niveau le plus bas. Il faut savoir que jusqu'à la construction de tous les quais actuels, il y avait des parties de la Seine qui étaient, dont les berges étaient encore en pente douce. Et au moment où le niveau était le plus bas, on pouvait traverser quasiment à pied la Seine à certaines saisons. Et là, il y avait toute une série d'enfants, de chiffonniers, oui, qui collectaient et qui classaient. Alors, il y avait ce qu'on pouvait revendre, ce qu'on pouvait recycler. Et on peut imaginer qu'une partie des collections du musée Carnavalet, où il y a tellement de robinets, de cuillères et d'autres objets comme ça métalliques, proviennent de ces collectes et sont passées par le biais d'antiquaires ou d'intermédiaires multiples jusque dans des collections de ce type. Ah, ils avaient les pieds dans la vase et puis ils ramassaient ce qu'ils pouvaient trouver. Alors, il y a une illustration qui les montre effectivement les pieds dans la vase. Ici, il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce que vous venez de dire, Sylvie Robin. Il était possible de traverser la Seine à pied, c'est ça hein ? Alors, sur le petit bras de la Seine, on voit des images où... Alors, on s'en met un petit peu de l'eau jusqu'aux cuisses, hein, mais il y a des moments où la Seine est très basse. Et il y a effectivement des moments où la Seine est un fleuve impétueux, donc il y a des crues violentes qui détruisent les ponts. Et il y a des moments où le niveau est très très bas. Oui, parce que c'est pas du tout le même fleuve en fait qu'on connaît aujourd'hui, celui du passé, Nathan Schlingel. Oui, les ravageurs et les chiffonniers nous évoquent évidemment le fait que Paris est une ville qui se recycle et que on peut même dire, j'ai entendu dire qu'au 19e siècle, Paris était beaucoup plus écologique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc tous les déchets font l'objet de tout un mécanisme, toutes sortes de travaux. Et j'ai évoqué tout à l'heure Belgrand qui lance cette hypothèse que la Seine peut servir d'évacuation. Il se met en porte-à-faux vis-à-vis les ramasseurs des déchets qui passent la nuit pour pomper les citernes pour ensuite aller produire ce qu'ils appellent la poudrette. Qui sert d'engrais pour les salades que l'on fait pousser à Gennevilliers, que les citoyens parisiens mangent de nouveau. Donc, il y a un moment, justement, au XIXe siècle, où cette approche urbanistique est beaucoup plus métabolique et beaucoup plus vivante que de nos jours, où on sépare d'office tous ces éléments-là, et on est évidemment... opposé instinctivement à cette notion du chiffonnier, du ramasseur, de celui qui traîne, c'est toujours une figure un peu louche. Alors que historiquement dans la ville, l'urbanisme est souvent construit sur cette espèce de vitalité métabolique et recyclage. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin des boueurs parce que la moindre chose jetée était tout de suite ramassée. Jean-François Goré, il est difficile d'imaginer la Seine du passé, c'est-à-dire celle d'avant les travaux d'Haussmann, celle qu'on pouvait parfois traverser plus ou moins à pied, celle qui gelait aussi. Ça fait très longtemps que la Seine n'a pas gelé et on a des photographies très impressionnantes du fleuve gelé. C'est surtout la Seine comme un lieu de vie qui est un peu difficile à se représenter, ou tout du moins qui s'oppose fondamentalement à celle qu'on connaît aujourd'hui, où vous avez certes des bateaux-mouches et des péniches qui passent dessus. Mais avant, c'était un bouillonnement d'activité, de population. À la période médiévale, vous aviez même des maisons qui étaient sur la Seine, de chaque côté des ponts ou sur les berges, donc et construites sur des pilotis. Donc la ville s'installait même sur la rivière, et sous ces maisons, une activité débordante de gens qui étaient là pour gérer des matériaux, pour rejeter des choses. Et donc, on était en plein cœur de la vie sociale, d'endroits où on se rencontrait, avec en effet une population un peu particulière, comme tu le disais, Nathan. Mais aujourd'hui, on a l'image quand même d'un espace un peu figé. Alors certes, on se promène sur les quais, c'est quand il fait beau, et c'est très agréable aujourd'hui d'avoir les quais pour se promener. Mais ce bouillonnement médiéval, ou même pour peut-être des périodes encore plus anciennes, on a du mal à se le représenter. Ça, c'est justement le travail des archéologues et des historiens, d'essayer de restituer cette image à partir du moment où elle s'oppose assez fondamentalement à celle qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ce qui fait aussi ce plaisir hein, de l'archéologie, de l'exposition sur les trésors de la Seine. C'est ce qui fait aussi que ce fleuve est porteur de mystère. Je croyais qu'on restait au fond du fleuve, mais voilà que je remonte. Pensais confusément cette noyée de 19 ans qui avançait entre deux eaux. C'est un peu après le pont Alexandre qu'elle eut grand-peur. Quand les pénibles représentants de la police fluviale la frappèrent à l'épaule de leur gaffe en essayant en vain d'accrocher sa robe. Heureusement, la nuit venait et n'insistèrent point. Repêchée, pensait-elle. Avoir à s'exposer devant ces gens-là, sur la planche de quelque morgue, sans pouvoir faire le moindre mouvement de défense ni de recul, ni même lever le petit doigt. Se sentir morte et qu'on vous caresse la jambe. Et pas une femme tout autour pour vous sécher et faire votre dernière toilette. Enfin, elle avait dépassé Paris et filait maintenant entre des rives ornées d'arbres et de pâturages, tâchant de s'immobiliser le jour dans quelques replis du fleuve pour ne voyager que la nuit, quand la lune et les étoiles viennent seules se frotter aux écailles des poissons. Si je pouvais atteindre la mer, moi qui ne crains pas maintenant la vague la plus haute. C'est Juliette Gréco qui, sur France Culture, évoquait l'inconnu de la Seine en 1971, l'inconnu de la Seine. Cette jeune femme retrouvée morte dans la Seine à la toute fin du 19e siècle et qui a tant fasciné les artistes dont le visage moulé a été tellement diffusé. Sylvie Robin, il y a de cela aussi dans cette archéologie de la Seine. Il y a de l'émotion parce que on le sent bien, et que ce soit pour un ex-voto jeté au Moyen-Âge, que ce soit pour un objet dont on veut se débarrasser, une arme par exemple, on sent qu'il y a toute une histoire derrière. C'est cette émotion-là aussi que l'on ressent à travers ces objets, en plus un peu abîmés parce qu'ils ont été dans l'eau. Oui, en fait, tous ces objets dont on ignore la provenance et parfois l'usage génèrent une émotion, une poésie, parce qu'on peut y inscrire des histoires, on peut inventer des histoires à partir d'une clé rouillée trouvée au fond de la Seine. On peut se demander qui l'a jeté et pourquoi, quel drame est à l'origine de ce jet. De la même manière, pour une bague de fiançailles qu'on retrouve dans l'eau, il y a toutes ces histoires un peu poétiques et émouvantes de Parisiens, finalement, qui nous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y en a comme clé au fond de la Seine? Il y en a plein, hein. C'est un peu comme... Alors, les armes, qu'est-ce qu'ils remportent, en fait? Les armes, beaucoup? Les armes, oui. Oui, les armes... Il y a énormément, comme Sylvie l'avait dit tout à l'heure, de une catégorie de petits objets qu'on appelle les plans historiés, les enseignes de pèlerinage. Ça se chiffre par milliers. Oui, les gens jettent ça comme un peu. Objets. Ouais. Voilà. Et après, les armes sont assez prépondérantes, mais finalement, vous avez toute la panoplie de la culture matérielle pour chaque époque qui est représentée, sauf bien sûr les matériaux qui, pour des raisons de conservation, ne peuvent pas se préserver dans l'eau ou s'altèrent trop vite. Mais peut-être ce que l'on ne trouvera pas, ce sont des cadenas avec le petit message amoureux, parce que justement, alors qu'il y en a beaucoup sur la Seine, mais pas dans la Seine, puisqu'ils ont été par nature, enfin le dispositif fait qu'ils ne tombent pas à l'eau. Ah oui, c'est ça. Alors il y en aura peut-être un ou deux qui va échapper à ça. Espérons. Et on va retrouver des Vélib, j'imagine, en quantité assez importante. Quel est l'objet le plus étonnant que l'on peut retrouver dans la Seine? Étonnant en se disant, mais comment ça a pu arriver là? Alors, il y a une belle tête de statue en marbre qui est exposée dans la crypte archéologique, qui a été repêchée par la brigade fluviale. Et c'est un beau buste. On peut vraiment s'interroger. Est-ce que c'est un voleur qui est parti avec, qui l'a jeté parce que c'était trop lourd? Est-ce que c'est un artiste qui était mécontent de son œuvre? Est-ce que c'était... Là, tout est possible. Et c'est toutes ces interrogations assez humaines qui sont intéressantes aussi face à ces objets. Vous, Jean-François Goret, qu'est-ce qui peut surprendre dans la Seine? Ou qu'est-ce qui peut être le plus émouvant pour l'archéologue que vous êtes? Et on l'a bien rappelé, c'est pas de trouver un louis d'or qui nous intéresse parfois, c'est beaucoup plus sobre et plus près de l'humain. J'ai pas forcément un objet particulier qui me viendrait à l'esprit. J'ai pris énormément de plaisir à travailler sur les armes dans le cadre... Aussi parce que je suis pas familier à la base de ce type de mobilier archéologique et c'est toujours un plaisir de s'aventurer vers des domaines qu'on maîtrise pas trop. Je rêverais, en tant qu'archéologue, de trouver des témoignages d'événements historiques qu'on connaît parfaitement par les textes, mais pour lesquels on a très peu de traductions matérielles à travers les découvertes que l'on fait sur les sites. comme je suis un homme passionné du Moyen-Âge, comme j'aime beaucoup les premiers siècles du Moyen-Âge, si un jour on trouvait dans la Seine un élément qui nous rapporte directement au siège de Paris par les Vikings, j'espérais que ce serait moi qui trouverais cet objet. Et je garderais ça comme un grand plaisir, un grand moment de ma carrière, voilà. Mais c'est ça hein, qui est toujours fascinant avec l'archéologie, c'est que ça nous explique clairement notre passé, ce travail remarquable qui est fait partout en France, sur tous les sites. Et puis il y a cette exposition dans la Seine avec ces objets trouvés de la préhistoire à nos jours. Et ça nous donne l'occasion d'aller revoir quand même cette crypte archéologique de l'île de la Cité à Paris. C'est devant Notre-Dame avec l'idée qu'on est au niveau de l'eau en fait. Voilà, c'est bien, c'est juste à côté. Merci vivement à tous les trois de nous avoir présenté cette histoire-là. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi Guy Môquet est-il devenu un enjeu de mémoire ? Pendant la campagne pour les élections présidentielles de 2007, Nicolas Sarkozy annonça que, s'il était élu, il imposerait dans tous les lycées de France la lecture de la dernière lettre que Guy Môquet adressa à ses parents avant d'être fusillé par la Gestapo. Devenu président de la République, il demanda immédiatement au ministère de l'Éducation nationale de mettre en œuvre cette promesse. La date de la lecture de cette lettre fut fixée au 22 octobre, jour de la mort de Guy Môquet. Au cours des années suivantes, les services de l'éducation nationale continuèrent d'émettre annuellement une note concernant l'organisation de cette manifestation. Mais il fut précisé que celle-ci était désormais facultative. Et Nicolas Sarkozy ne fit pratiquement plus référence à Guy Môquet dans ses discours officiels. Pour comprendre pourquoi ce héros de la résistance fut sorti de l'oubli pendant la campagne électorale de 2007, il faut commencer par rappeler qui était Guy Môquet. Né à Paris en 1924, il était le fils d'un cheminot militant syndical élu député communiste en 1936. Élève au lycée Carnot, dans la même classe que le philosophe Gilles Deleuze, Guy fut arrêté par des policiers français dans le métro Gare de l'Est à Paris le 13 octobre 1940, alors qu'il était en train de distribuer des tracts pour le Parti communiste. Il fut ensuite interné dans le camp de Choisel, près de Châteaubriant, Loire-Atlantique, en même temps que 100 autres militants communistes. Le 22 octobre 1941, 27 d'entre eux, dont Guy Môquet, furent fusillés pour venger le meurtre d'un officier allemand. La dernière lettre adressée à ses parents se terminait par ces mots. « Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. » C'est sans doute pour apparaître comme le représentant de la nation tout entière, au-delà des clivages partisans, que Nicolas Sarkozy a réactivé le souvenir de Guy Môquet. Bien que communiste, dès 1944, il avait été cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle. En 1956, ce dernier adressa une lettre au père de Guy Môquet, dans laquelle il évoquait ce jeune fils mort si bravement et cruellement pour la France. La lecture de sa dernière lettre avait pour but de mobiliser les émotions des lycéens afin que l'enseignement de l'histoire puisse contribuer à alimenter le roman national. Mais, comme on pouvait s'y attendre, les communistes protestèrent énergiquement contre la récupération par un président de droite du jeune martyr de leur parti. Le président Sarkozy eut beau protester en affirmant que Guy Môquet appartient à l'histoire de France et l'histoire de France appartient à tous les Français, le message n'eut pas l'impact escompté. Plusieurs syndicats enseignants, refusant que les classes deviennent une arène politique, incitèrent les professeurs à ne pas respecter les indications ministérielles. Le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, dont j'étais alors le président, s'exprima dans le même sens pour défendre l'autonomie de l'enseignement de l'histoire face à toutes les formes d'exploitation partisane. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Dudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou, tout le monde les pieds dans l'eau. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.